Conflit entre les patriciens, qui constituent le Sénat, et les plébéiens, qui constituent le peuple. Malgré cette grandeur du nom romain, malgré la politique profonde et toutes les belles institutions de cette fameuse République, elle portait en son sein la cause de sa ruine dans la jalousie perpétuelle du peuple contre le Sénat, ou plutôt des plébéiens contre les patriciens. Romulus avait établi cette distinction. Il fallait bien que les rois eussent des gens distingués qu'ils attachassent à leur personne par des liens particuliers et par lesquels ils gouvernassent le reste du peuple. C'est pour cela que Romulus choisit les pères, en latin patres conscripti, dont il forma le corps du Sénat. On les appelait ainsi à cause de leur dignité et de leur âge, et c'est d'eux que sont sorties les familles patriciennes. Au reste, quelque autorité que Romulus eût réservée au peuple, il avait mis les plébéiens, en plusieurs manières, dans la dépendance des patriciens. Et cette subordination nécessaire à la royauté avait été conservée non seulement sous les rois, mais encore dans la République. C'était, parmi les patriciens, qu'on prenait toujours les sénateurs. Aux patriciens appartenaient les emplois, les commandements, les dignités, même celles du sacerdoce. Et les pères, qui avaient été les auteurs de la liberté, n'abandonnèrent pas leurs prérogatives. Mais la jalousie se mit bientôt entre les deux ordres, car je n'ai pas besoin de parler ici des chevaliers romains, troisième ordre comme mitoyen entre les patriciens et le simple peuple, qui tantôt prenaient un parti et tantôt prenaient l'autre. Ce fut donc entre ces deux ordres que se mit la jalousie. Elle se réveillait en diverses occasions, mais la cause profonde qu'il entretenait était l'amour de la liberté.